Le journal tanzanien Uhuru, en date du 8, a inséré la troisième partie pour la réunification du pays dans l'indépendance, tirée du rapport d'activité du comité central du Parti du Travail de Corée, prononcé par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du parti, avec sa photo.